À l'occasion du nouvel an 106 du Tuché 2017, les représentants diplomatiques et des institutions internationales et les attachés militaires de divers pays en Corée et d'autres hôtes étrangers ainsi que les compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie ont visité le jour de l'an le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Le même jour, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et ses collaborateurs aussi leur ont rendu hommage.